Le sujet a suscité maintes polémiques. Et aujourd'hui encore, plus de 50 ans après les faits, le mystère demeure. Qui a vraiment commandité l'assassinat de l'amiral Darlan à Alger le 24 décembre 1942? Les gaullistes, qui voyaient en Darlan un concurrent sérieux au général de Gaulle, les monarchistes, qui voulaient amener le comte de Paris au pouvoir à la faveur d'un complot, ou bien encore quelques services secrets qui auraient manipulé les uns et les autres. Monsieur X, qui, il me l'a souvent montré, bénéficie de sources d'informations privilégiées sur cette période, a bien sûr une opinion à propos de cette étrange affaire, une opinion particulièrement originale. En attendant de l'entendre, quelques rappels. Au début du mois de novembre 1942, Darlan, qu'on présente volontiers comme le dauphin du maréchal Pétain, mais qui vient d'être éliminé par Laval, apprend que son fils Alain est très gravement malade. Il est hospitalisé à Alger. L'amiral obtient de son rival Laval un avion et s'envole vers l'Afrique du Nord. Le 5, il atterrit à Alger et se rend aussitôt au chevet de son fils. Préoccupé par l'état de santé de ce dernier, il ne prête guère attention à l'information qu'on lui communique immédiatement. Une importante flotte alliée se dirigerait vers les côtes d'Afrique du Nord. Un débarquement est-il en vue? Darlan ne le pense pas, d'autant que le consul américain à Alger, Robert Murphy, a assuré le général Juin, commandant des troupes en Afrique du Nord, que rien ne serait tenté par les Alliés sans l'assentiment des Français. Et il télégraphie dans ce sens à Vichy. Mais soudain, les événements se précipitent. Dans la nuit du 8 novembre, plusieurs centaines de jeunes gens armés prennent possession d'Alger. La résidence du général Juin est cernée par les conjurés. Darlan, qui a rejoint le général, est lui aussi prisonnier. Bientôt, les deux militaires apprennent de la bouche même du consul Murphy que des troupes alliées vont débarquer à Casablanca, Oran et Alger à l'appel du général Giraud qui s'est récemment évadé d'Allemagne. L'opération Torch, c'est son nom de code, commence. À Alger même, l'insurrection destinée à aider le débarquement a été préparée par 5 hommes, le fameux groupe des 5. Nous en reparlerons avec M. X. Les forces alliées progressent rapidement. Mais tout aussi rapidement, elles essuient le feu des troupes françaises demeurées fidèles à Vichy, tandis que les insurgés sont arrêtés les uns après les autres et que Darlan et Juin sont libérés. Aussitôt, l'amiral demande des ordres à Vichy. La réponse est sans équivoque, il faut résister à l'envahisseur. Ce sera le cas à Oran et à Casablanca, mais à Alger, un cessez-le-feu est vite signé. La ville blanche capitule. Darlan, après beaucoup d'hésitations, a, semble-t-il, choisi le camp allié et, en accord avec les Américains, s'octroie les pleins pouvoirs en Afrique du Nord. Bientôt, on le sait, en métropole, les Allemands vont envahir la zone libre. Bientôt aussi commence, pour Darlan, une étrange période de 6 semaines à la fin de laquelle il trouvera donc la mort. Bon, inutile de vous faire languir plus longtemps, je n'ai pas connu François Darlan. Vous ne vous trouviez donc pas à Alger en cette fin de 1942? Non, j'étais en France et parfois à Londres. Mais je vous ai déjà souvent parlé de mes activités à cette époque-là. Oui. Alors comment avez-vous pu être si bien informé sur cette affaire Darlan? Non, par les services, naturellement. Parce que les services, comme vous avez l'habitude de dire, ont joué un rôle dans la disparition de l'amiral. Les services ont joué un rôle de premier plan tout au long de la guerre. Et ils continuent d'ailleurs, mais c'est une autre histoire. Il n'y a pas de guerre sans renseignement, sans intoxication de l'adversaire, sans manipulation. Et de ce point de vue, l'affaire Darlan est une sorte de petit chef-d'œuvre. D'accord, je vous écoute. Un mot sur Darlan d'abord, si vous le voulez bien. C'était un militaire très politique. C'est-à-dire? D'abord, chez lui, il avait toujours entendu parler de politique. Son père avait été garde des Sceaux et lui-même, c'est certain, nourrissait de très grandes ambitions. Et il penchait de quel côté ? Eh bien, aussi étonnant que cela apparaisse aujourd'hui, François Darlan, semble-t-il, avait d'abord eu le cœur à gauche. C'est étonnant pour un homme qui sera quand même un partisan aussi ardent de la collaboration avec les nazis. Hein ? Oui, mais c'est la vérité. Et c'est le gouvernement de Front Populaire qui en a vraiment fait le numéro un de notre marine. Blum l'a même nommé tout à fait exceptionnellement amiral de la flotte. Comme en Angleterre. Exactement. Et d'après les spécialistes de la chose militaire, Darlan a fait de notre marine un instrument efficace, bien organisé et puissant. Un instrument qui ne servira jamais, malheureusement. Non, une partie sera bombardée par les Anglais à Merselkébir, et l'autre se sabordera stupidement et honteusement à Toulon. Enfin, passons. Pour en revenir à Darlan, j'ajoute, et c'est moins connu, qu'il a aidé les républicains espagnols à lutter contre la rébellion franquiste. Ouais. Et le bonhomme lui-même ? Là, c'est plus difficile. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Eh bien, les jugements sont aussi tranchés que contradictoires. Mais dites quand même. Pour certains, c'était un homme supérieur, un grand stratège, quelqu'un qui aurait sans doute eu la carrure d'un chef d'État. Mais pour d'autres, pardonnez-moi l'expression, c'était un con. Et votre opinion à vous ? Peut-être vais-je vous paraître raide, mais pour moi, l'amiral Darlan était d'abord un traître. C'était ce que je pensais à l'époque, et ma foi, je n'ai guère trouvé depuis d'arguments susceptibles de me faire changer d'avis. Et vous savez ce qu'Edgar Faure disait. Hein. Oui, ce n'est pas la girouette qui tourne, c'est le vent qui change de direction. Oui, c'est à peu près ça. Alors girouette, pourquoi ? Lorsqu'il est nommé ministre de la Marine en juin 40... Dans le premier gouvernement Pétain. Oui, un gouvernement ouvertement défaitiste, puisqu'il va presque immédiatement signer l'armistice. Eh bien, Darlan, donc ministre de la Marine, promet solennellement aux Anglais que jamais la flotte ne sera livrée à Hitler. Mais c'est le même qui engagera une politique de collaboration active avec la marine allemande. Vous avez des preuves ? Tout à fait. Après la guerre, on a trouvé dans les documents secrets de la Kriegsmarine un compte-rendu d'une conversation de Darlan avec l'amiral Schultz. C'est accablant. Darlan y parle de la construction d'une flotte européenne franco-allemande. Il conseille aussi aux Allemands de bombarder en priorité les installations britanniques de Portland, là où on met au point le fameux ASDIC. C'est-à-dire le sonar qui permet de repérer les sous-marins. Oui, vous savez comme cet instrument va jouer un rôle capital dans la lutte contre les sous-marins allemands. Il y a bien d'autres exemples qui attestent que Darlan a été un collaborateur impénitent. Mais vous avez une explication. L'ambition, oui. Darlan voulait le pouvoir à tout prix. Quand le maréchal Pétain prône la collaboration avec Hitler, Darlan le suit parce qu'il nourrit le secret espoir de lui succéder un jour. C'est vrai qu'on l'a souvent présenté comme le dauphin. Tout à fait. Donc Darlan, sans aucune répugnance, se range du côté de l'occupant et va personnellement discuter avec le Führer. De la même façon, à Alger, il se ralliera aussi vite aux Américains. En quelques jours, peut-être même quelques heures, après avoir fait tirer sur les Alliés, il est retourné et engage les forces françaises contre les troupes de l'Axe. Au fond, sa seule vraie fidélité à ce moment-là, c'est de maintenir en place le système vichiste en Afrique du Nord. Que voulez-vous dire, là ? Les lois antisémites, par exemple. Ah. Ce qui ne semble d'ailleurs pas choquer outre mesure les Américains. Oui, d'accord. Alors, venons-en quand même aux événements qui ont conduit directement à son assassinat. On est en novembre 1942. Américains et Britanniques débarquent en Afrique du Nord après des combats qui font des centaines et des centaines de victimes. Darlan se rallie et prend le pouvoir au nom du maréchal Pétain. Ah, mais Pétain qui va tout de même le désavouer. Oui. Pouvait s'agir d'un double jeu. On l'a prétendu, oui, mais c'est toujours la même fable, celle du glaive et du bouclier. Ouais, le bouclier Pétain et le glaive de Gaulle. C'est cela. À l'intérieur, Pétain protège la France et à l'extérieur, des Français libres combattent l'ennemi. Deux faces d'un même combat. C'est ce qu'ont toujours prétendu les pétainistes, mais ça ne paraît pas sérieux. Tant Pétain, on le sait, a donné de gages aux Allemands, avant même souvent qu'ils ne le demandent. Alors, en l'occurrence, à Alger, là, Darlan aurait pu jouer le rôle du glaive ? Oui, parce que ça servait alors ses intérêts. Proconsul à Alger, il s'imaginait déjà rallier toutes les forces combattantes autour de lui. Oui, mais c'était sans compter sans un certain De Gaulle. Voilà. De Gaulle qui a tout de suite compris que Darlan représentait un danger mortel pour le combat qu'il avait entrepris dès juin 1940. Et pour lui-même. Bien entendu. Donc, le général De Gaulle était quand même le premier qui avait intérêt à voir disparaître l'amiral Darlan. L'un des premiers, en tout cas. Alors, répondez-moi franchement, est-ce que c'est le général qui a donné l'ordre de faire abattre Darlan ? Si vous le voulez bien, je ne vous répondrai pas tout de suite, parce que les choses sont infiniment plus compliquées que vous ne l'imaginez. Et De Gaulle, pas plus que d'autres, n'avait intérêt à se salir les mains. En tout cas, même s'il avait pris la décision d'éliminer Darlan, vous pensez bien qu'il ne devait à aucun moment apparaître comme l'instigateur de l'assassinat. Deux auteurs, Hervé Couteau-Bégary et Claude Huan ont récemment publié un livre sur Darlan, publié aux éditions Fayard. Ils y analysent la réaction du général de Gaulle lorsqu'il apprend que l'amiral a pris le pouvoir à Alger. Le général, je les cite, est convaincu d'incarner la France. Pour lui, Vichy est nul et non avenu, ce n'est qu'un foyer de traîtres, il n'est qu'une seule légitimité, la sienne. La guerre contre l'Allemagne s'accompagne donc logiquement d'une guerre contre les traîtres, et Darlan figure au premier rang, juste après Pétain. Avec son intuition politique exceptionnelle, de Gaulle comprend tout de suite le danger que représente pour lui et pour la France combattante le retournement de Darlan. Si celui-ci parvient à rallier l'Empire, le mouvement gaulliste sera marginalisé. Dès le lendemain de l'accord du 13 novembre, il écrit à Churchill « L'avènement de Darlan en Afrique du Nord, avec le concours des Américains et au nom du maréchal, constitue à mon avis un fait capital de cette guerre. Je crois qu'en ce qui concerne la nation française, ce fait dépassera par ses conséquences funestes la capitulation de Bordeaux. » 24 heures plus tard, les Français de Londres publient un communiqué. Le général de Gaulle et le comité national français font connaître qu'ils ne prennent aucune part et n'assument aucune responsabilité dans les négociations en cours en Afrique du Nord avec les délégués de Vichy. Si ces négociations devaient conduire à des dispositions qui auraient pour effet de consacrer le régime de Vichy en Afrique du Nord, celles-ci ne pourraient être acceptées par la France combattante. Enfin, toujours d'après ces mêmes auteurs, le 15 novembre, de Gaulle répond à l'amiral Stark, commandant les forces navales américaines en Europe, qui lui a écrit pour justifier l'action américaine. Le message est fort bref et tout à fait explicite. Je comprends que les États-Unis paient la trahison des traîtres si elle leur paraît profitable, mais cela ne doit pas être payé sur l'honneur de la France. Veuillez croire, amiral, à mes sentiments très distingués. Mais retrouvons M. X. Darlan, nanti de tous les pouvoirs à Alger, reconnu par les Américains, était-il vraiment un concurrent sérieux pour De Gaulle ? Tout à fait. Jusqu'alors, le général n'avait qu'un concurrent, Giraud, encore tout auréolé du prestige que lui avait valu son évasion. Le général Giraud, qui avait lui aussi les faveurs des Américains. C'est exact. Pour Roosevelt, n'importe quel chef militaire français valait mieux que l'ombrageux de Gaulle. On le sait bien. Mais Giraud n'était pas de taille. On verra comment, en 1943, de Gaulle va l'embobiner et le supplanter définitivement. Avec Darlan, c'est une autre paire de manches. Pourquoi alors ? Darlan, même s'il a été officiellement désavoué par Vichy, se présente comme le représentant de Pétain. Et c'est au nom du maréchal qu'il prétend exercer le pouvoir à Alger. Or, incontestablement, l'Afrique du Nord est encore pétainiste. Non seulement l'armée et ses chefs, mais aussi la population. Et donc le danger est réel. Oui, oui, d'autant que Giraud et Darlan font cause commune. Le général de Gaulle est inquiet. Oui, il a l'impression d'être trahi par les Américains et abandonné par les Anglais. Je peux même vous le révéler, en ce mois de novembre 1942, de Gaulle a failli renoncer. On a du mal à l'imaginer, ça. Oui. C'est pourtant la vérité, tant était grand son découragement. Pour tout dire, de Gaulle enrageait. C'était surtout l'attitude américaine qu'il mettait hors de lui. Le soutien à Darlan. Oui, mais c'était prévisible. Roosevelt était un légaliste. Pour lui, l'amiral Darlan détenait une once du pouvoir légal en France. C'était un ancien chef de gouvernement adoubé par Pétain, alors que de Gaulle n'était qu'un général rebelle. Donc je reviens à ce que je disais tout à l'heure. De Gaulle avait vraiment intérêt à se débarrasser de l'amiral. Je m'ai dit le contraire. Mais avant d'accuser qui que ce soit, voyons ce qui se passe à Alger. Darlan s'installe. C'est-à-dire qu'il prend en main l'administration. Oui, il donne une forme légale à sa prise de pouvoir. Oui. Par exemple. Eh bien, il crée un haut commissariat dont il prend la direction, bien évidemment, et il regroupe autour de lui plusieurs secrétariats qui sont en fait des ministères. Enfin, un conseil d'empire rassemblant les gouverneurs des colonies, l'assiste et le conseil. C'est un vrai pouvoir, donc, mais non reconnu toutefois par Pétain. Hein. C'est vrai. Mais Darlan ne manque jamais une occasion de rappeler qu'il se situe dans la droite ligne de la politique du maréchal. Pour lui, c'est ainsi qu'il définit son action. Il faut se battre pour libérer la métropole, mais aussi libérer le maréchal qui personnifie la France. Juste une parenthèse. Les Américains sont incontestablement séduits et rassurés par ce pouvoir qui a toutes les apparences de la légalité. Voici par exemple ce qu'écrit le général Eisenhower, chef suprême des forces alliées, dans un rapport adressé à Washington. En Afrique du Nord, le nom du maréchal Pétain représente quelque chose de surnaturel. Du plus haut au plus bas, chacun cherche à créer l'impression que l'ombre du maréchal domine toutes ses actions et même sa vie. Les chefs militaires et navals, comme les gouverneurs civils, admettent qu'un seul homme a le droit de représenter Pétain, et cet homme, c'est Darlan. Mais Darlan, qui n'est pas si mauvais politique que cela, prend bien soin de s'adjoindre aussi les services des hommes qui ont favorisé le débarquement allié. Ceux qui ont suscité une insurrection à Alger. Oui, d'abord le groupe des cinq, comme on l'appelle. Alors qui sont-ils, ces... Les patriotes. Mm-hmm. Donc, style à Vichy. Oui. Ouais. Mais sont-ils pour autant favorables à De Gaulle? Plutôt. Mm-hmm. Vous n'êtes pas très affirmatif, là. C'est qu'en fait, ces hommes du groupe des cinq sont essentiellement des monarchistes. Apparemment, en tout cas. Pour eux, l'unité de la France combattante doit se faire autour du comte de Paris. Et sans De Gaulle? Non, avec De Gaulle. Le comte de Paris assumant, lui, un rôle symbolique de guide ou de chef, comme vous voudrez. Et Darlan fait comme cause commune avec ces hommes-là? Parce qu'il ne peut pas faire autrement. Parce qu'il préfère aussi les avoir avec lui que contre lui. Et il va même leur donner des postes très importants. L'un d'eux prend en charge la sécurité. Un autre, Henri d'Astier de la Vigerie, s'occupe de la police. Un troisième dirige l'économie, mais... C'est très dangereux. Pour Darlan, vous voulez dire? Naturellement, avec ces hommes-là, le verre est dans le fruit. Ils font semblant d'être avec Darlan, mais c'est pour mieux s'en débarrasser. Mmh. Attendez, quand même, cette histoire-là de restauration monarchique, c'était sérieux? Très sérieux, je vais vous le prouver. Mais autant vous le dire tout de suite, derrière cette tentative, il y a une manipulation très habile. Ah, bien sûr, vous allez faire durer le suspense, comme d'habitude. Hein? Si je vous disais la vérité trop tôt, vous n'auriez peut-être pas la patience de m'écouter plus longtemps. Ah. Admettons. Alors, cette tentative de restauration, et d'abord, à l'époque, là, où se trouve le comte de Paris? En novembre 1942, il est au Maroc. Je vous rappelle, si vous l'aviez oublié, que le prétendant au trône de France est en quelque sorte interdit de séjour sur notre territoire. Par conséquent, pendant la guerre, il a combattu dans la Légion étrangère. Et ses sentiments vis-à-vis de Pétain? Le comte de Paris a cru un moment que la révolution nationale mise en œuvre par Pétain lui permettrait d'arriver presque naturellement au pouvoir. Après tout, c'est vrai que le régime de Vichy, par certains côtés, avait un aspect monarchique. Oui. Le retour à la terre, le corporatisme, tout ça ne pouvait pas déplaire aux prétendants. Oui. Le comte de Paris s'est donc vu lui aussi succéder à Pétain. Oui, et il a entrepris des démarches en ce sens. Auprès du maréchal. Exactement, mais le vieux n'avait pas envie de servir de marchepied à la monarchie. Par conséquent, le comte de Paris a dû changer de stratégie. Et il a changé de bord. C'est à peu près ça. Enfin, disons plutôt qu'il s'est laissé convaincre. Et convaincre par les gens de ce fameux groupe des cinq? Oui, des contacts sont pris, des émissaires se rendent à Rabat, et bientôt le comte de Paris se persuade que quelque chose est possible. Et lui aussi, il est prêt à faire le don de sa personne à la France? Tout à fait. Et au début décembre, il fait un pas décisif en se rendant à Alger. Officiellement? Non. Mais bientôt, sa présence à Alger est un secret de polichinelle. Mais alors, comment compte-t-il prendre le pouvoir? J'y viens. Les comploteurs du groupe des cinq ont assez habilement combiné leurs coups. L'un d'eux s'est souvenu d'une loi pratiquement oubliée, la loi de Trévenoc. Expliquez. Cette loi, votée au tout début de la Troisième République, stipulait qu'en cas de vacance de l'Assemblée nationale, les conseils généraux pourraient désigner des délégués qui, une fois rassemblés, assumeraient la responsabilité de l'administration du pays. Ouais, bah, en l'occurrence, je vois pas l'utilité de cette loi pour le comte de Paris. Attendez. Il n'est bien sûr pas question de rassembler des délégués de tous les conseils généraux français, puisque la métropole est occupée. Mais il y a l'Algérie et ses départements. L'Algérie, qui est un morceau de France libre et qui représente à elle seule symboliquement tout le territoire. Vous commencez à comprendre? Oui, les conseils généraux algériens désignent des délégués, ces délégués se réunissent. Et très légalement, ils désignent un nouveau chef d'État. Le comte de Paris. Bien sûr. Et celui-ci nomme le général de Gaulle chef du gouvernement. Et pour faire bonne mesure, il confie le commandement de l'armée au général Giraud. Comme ça, tout le monde est content. Mais vous êtes sûr que tout cela pouvait réellement être légal? Non. Les comploteurs avaient pris de grandes libertés avec cette loi Trévenoc. Ils avaient en particulier oublié que le législateur prévoyait que la moitié au moins des conseils généraux devaient envoyer des délégués de tous les conseils généraux français. Et puis cette assemblée n'avait en aucune façon le pouvoir de désigner le chef de l'État. Alors donc cette loi ne pouvait pas s'appliquer? Non, mais il n'empêche que les comploteurs monarchistes y ont vraiment cru. Les comploteurs, mais surtout celui qu'ils voulaient porter au pouvoir, le comte de Paris. Et c'était quand même le plus important. Comme l'a dit précédemment Monsieur X, ce complot monarchiste d'Alger a été une entreprise relativement sérieuse. Et semble-t-il, les plus petits détails avaient été examinés. Ainsi, voici ce que je lis dans le livre d'Arnaud de Chantérac, L'assassinat de Darlan, paru aux éditions Perrin. Pour les comploteurs, le succès était tellement certain que la proclamation du comte de Paris, qui serait lue à la radio, était déjà rédigée. C'est l'abbé Cordier qui s'était chargé de cette tâche. À l'appel des trois départements français restés libres, sur le vœu de l'armée, Je prends le pouvoir. Je suis le fédérateur de toutes les énergies françaises, de toutes les formes de patriotisme français. Je suis la voix de la continuité française qui vous ordonne de vous arracher aux dissensions de l'heure pour vous unir dans le respect de votre commune grandeur. À moi donc, soldat de la France éternelle. Une maquette pour l'annonce de l'événement dans la presse était prête. La photo du comte de Paris figurait au centre, encadrée par celle des généraux Giraud et de Gaulle. Un ministère avait été constitué, le comte de Paris était chef du gouvernement, le général de Gaulle devenait le principal personnage politique comme vice-président adjoint du prince. Mais revenons au récit de M. X, je lui demande si le général de Gaulle était au courant des projets du comte de Paris. Officiellement non, mais il est évident qu'en réalité il savait. Comment vous pouvez-vous en être aussi sûr? Parce que nombre de comploteurs étaient avant tout des gaullistes. Des gaullistes. Il jouait donc un double jeu. Pas tous, mais il est certain que leur champion, c'était d'abord de Gaulle. Avant le comte de Paris. Oui. Ouais. Donc il se servait de lui, certains, pas du comte de Paris. Oui, hein. Certains. Et c'est cela la manipulation que vous avez évoquée? Oui et non. Enfin, poursuivons, si vous le voulez bien. Le comte de Paris se prépare donc à la prise du pouvoir. Et ses amis contactent les présidents des conseils généraux algériens. Mais qui réagissent comment? Disons qu'ils sont prudents. Donc pas très enthousiastes. Ouais. Hein. Mais l'obstacle principal, c'est Darlan. Vous avez tout à fait raison. Et pour éliminer l'amiral, voilà ce qui est prévu. À la mi-décembre, une délégation de conseillers généraux se présente chez Darlan. On explique à l'amiral qu'il exerce illégalement le pouvoir. On parle de la loi à Trévenoc. Et le tour est joué, Darlan s'efface. Il démissionne. Oui. Quand même un peu hasardeux ce plan, non? Bien sûr, d'autant que je vous l'ai dit, les présidents de conseils généraux traînent des pieds. Mieux, ils finissent par refuser carrément de jouer le jeu et d'utiliser la voie Trévenoc. Et le comte de Paris est donc coincé. Exactement, c'est ce qui est prévu. Attends, il est prévu par qui? Par les manipulateurs? Bien sûr, cette histoire de loi Trévenoc est quand même un peu fumeuse, convenez-en. Je veux bien, mais alors, que se passe-t-il? Le complot monarchiste est donc dans l'impasse. Mais au point où il en est, le comte de Paris peut-il renoncer? Bien sûr que non, il faut donc supprimer l'homme qui représente un obstacle sur sa route. Darlan. Naturellement. Alors c'est donc le comte de Paris. Écoutez, franchement, je ne sais pas s'il a vraiment donné l'ordre d'assassiner Darlan. Il y a eu longtemps après une véritable polémique à ce sujet. C'est-à-dire, cette polémique? Le comte de Paris avait trouvé refuge chez Henri d'Astier de la Vigerie. Il souffrait alors d'une crise de paludisme. Dans les années 70, la veuve de d'Astier de la Vigerie affirmait qu'elle avait entendu le comte de Paris donner l'ordre d'assassiner l'amiral Darlan. Mais aussitôt après, le prétendant a nié avec la plus grande fermeté. Alors, que peut-on penser? Écoutez, vous savez très bien qu'on peut donner un ordre sans vraiment le donner. Il suffit d'une périphrase habile ou bien encore d'un silence. Ouais, qui ne dit mot qu'on sent. Oui. En tout cas, ce qui est certain, c'est que la décision est bienvenue de la famille monarchiste, c'était prévu. Oui, toujours vos manipulateurs. Bien sûr. Mais concrètement, comment ça se passe? Un homme va jouer un grand rôle dans cette affaire. Qui? Un prêtre, l'abbé Cordier. C'est lui qui va, en quelque sorte, armer le bras de l'assassin. Un prêtre? Eh oui, ce Cordier, c'est une sorte de moine-soldat, un exalté monarchiste, et proche du comte de Paris. Un type qui fricotait également avec les services de renseignement. Il avait une grande influence sur un jeune homme qui appartenait au corps franc, Fernand Beunier de la Chapelle. Un royaliste, lui aussi. Vous dites cela à cause de son patronyme? Bah oui, naturellement, non? Ben, je ne sais pas, même si c'est probable. Ce qui est important, c'est que ce jeune homme, qui est un patriote sincère, fréquente l'appartement d'Henri d'Astier de la Vigerie. Pourquoi? Oh, pour les meilleures raisons du monde, il est amoureux d'une des filles d'Astier de la Vigerie. Effectivement. Fréquentant l'appartement de la famille, il rencontre le comte de Paris qui est réfugié, et il y retrouve aussi l'abbé Cordier. Et c'est presque naturellement qu'on pense à lui pour abattre Darlan. Et vous avez dit que c'était l'abbé hein, qui avait armé le bras de l'assassin. Oui, Cordier l'a entendu en confession, et il l'a absous par avance. Est-ce que c'est bien catholique, ça? Je ne crois pas, non, mais... Beunier de la Chapelle, conforté par cet homme de Dieu, a accompli son acte sans aucun état d'âme. J'ajoute aussi que c'est l'abbé qui lui a expliqué comment il pouvait entrer dans les bureaux du Haut-Commissariat et qui lui a sans doute fourni des faux papiers qu'on a trouvés sur lui. Et l'assassinat lui-même? Darlan revenait dans son bureau après avoir déjeuné. Il était accompagné de son aide de camp. Un jeune homme, bien mis, attendait dans l'antichambre. Beunier de la Chapelle? Oui. Darlan n'y a guère prêté attention. Il est passé devant lui. Mais soudain, le jeune homme s'est levé et a sorti un pistolet. Deux coups de feu. Darlan, frappé dans le dos, a été mortellement blessé. Il est décédé quelques minutes plus tard à l'hôpital. Et Beunier de la Chapelle? Il était prévu qu'il s'enfuit en sautant par une fenêtre, mais l'aide de camp a bondi sur lui. Il y a eu bagarre, un nouveau coup de feu, et le jeune homme a fini par être capturé. La suite, vous la connaissez. Oui, enfin, rappelez quand même. Bonnier de la Chapelle est donc arrêté, interrogé par la police. Il fait une déclaration mettant en cause les comploteurs. Dossier de la Vigerie, Cordier... Oui, mais ouais. Curieusement, le commissaire de police qui l'a interrogé escamote ses aveux et fait dire au jeune homme qu'il a agi seul. Mmh. Alors, vous avez une explication? C'est simple, il faut protéger les comploteurs. Et donc tout mettre sur le dos de Bonnier de la Chapelle. Exactement. Mmh. Et Bonnier de la Chapelle a accepté? Oui, parce qu'il était persuadé que ses amis viendraient le délivrer. Mais il s'est lourdement trompé. Dès le lendemain, un tribunal militaire le juge. Bonnier de la Chapelle est condamné à mort et exécuté le jour suivant, car Giraud a refusé de le gracier. Mmh. Étrange précipitation. Ah, et que voulez-vous, il fallait éviter de remonter plus haut. À partir du moment où Bonnier de la Chapelle avait échoué dans sa tentative de fuite, il était condamné. Mmh. Bon, alors, peut-être temps maintenant de me parler de ces manipulateurs-là qui ont suscité le complot royaliste et se sont servis du comte de Paris. Alors, qui sont-ils? Ce sont les services anglais. Oui, mais pour quelle raison? Londres considérait non sans raison que l'amiral Darlan était un obstacle à ses projets. Ah, il faut expliquer, là. Bon, vous savez, je vous ai déjà raconté que Churchill attachait beaucoup d'importance au mouvement de résistance sur le continent. Et c'est pour cette raison qu'il avait créé le Special Operation Executive, qui était chargé, selon les mots même du Premier ministre britannique, de mettre l'Europe à feu, pour mieux aider le futur débarquement. Par conséquent, les Anglais avaient créé des réseaux. Oui, comme le réseau Prosper dont vous avez parlé. Oui, des réseaux armés financés par Londres, mais composés de résistants autochtones. Il fallait donc recruter toujours plus, d'autant que les pertes étaient nombreuses. Dans ces conditions, il était impossible de tolérer la présence à Alger de Darlan. Et pourquoi? Parce que cela aurait démoralisé les résistants. Comment auraient-ils pu admettre et comprendre, eux qui combattaient Pétain et les Allemands, que les Alliés soutiennent un vichiste à Alger? Un vichiste et un traître? Non, c'était impossible. Darlan, d'une façon ou d'une autre, devait donc disparaître. Et c'était d'autant plus important que les Américains, eux, s'accommodaient très bien de ce Darlan. Mais ils n'avaient pas la même vision que les Anglais. Mmh. Ils ne croyaient pas à la résistance. Bon, ils s'en fichaient un peu, puis ils s'en méfiaient même à cause de la présence des communistes. Alors, selon vous, l'assassinat de l'amiral a été commandité par les Anglais? Alors, selon vous, l'assassinat de l'amiral a été commandité par les Anglais? Tout à fait. Ce sont des gens du SOE Alger, en liaison avec des agents gaullistes, qui ont imaginé le rideau de fumée du complot royaliste et qui l'ont construit de toutes pièces. Afin d'attribuer la responsabilité de l'assassinat au comte de Paris. Oui, car l'essentiel, c'était de ne pas compromettre de Gaulle. Car Churchill, malgré ses incessantes disputes avec le général, avait tout misé sur lui. Et vous avez des preuves de ce que vous avancez? Je peux vous dire qu'à Alger, c'est le major Keswick qui a tout organisé. Je peux aussi dire qu'Henri Dacier de la Vigerie, c'est presque certain, était en liaison avec le SOE, et donc avec Keswick. C'est même par l'intermédiaire de ce service qu'il communiquait avec Londres et la France libre. Et puis, il faut parler d'une visite importante qui a eu lieu quelques jours avant l'assassinat de Darlan. À quoi s'agit-il? Le 19 décembre, je crois. François Dacier de la Vigerie, le frère d'Henri, arrive à Alger. D'où vient-il? De Londres, où ce général d'aviation occupe de hautes fonctions près de Gaulle. Naturellement, et malgré les ordres de l'amiral Darlan qui le consigne dans sa chambre d'hôtel, François parvient à voir son frère Henri et lui remet de l'argent. 40 000 $ pour aider les gaullistes d'Alger. Cet argent vient d'où? Il a été donné par les Anglais, vous entendez? Or, quand Bonnier de la Chapelle est arrêté, on trouve sur lui 2 000 $. Quand on vérifiera les numéros, on s'apercevra que ces billets provenaient des dollars apportés par François Dacier de la Vigerie. Ça me semble assez clair, non? Oui, mais alors, cet argent-là, que faisait-il dans la poche de Bonnier de la Chapelle? Il devait lui servir à s'échapper d'Alger. Mais malheureusement, Bonnier de la Chapelle a été pris et en quelque sorte sacrifié. Ces dollars avaient été en effet fournis par les Anglais au service financier du général de Gaulle. Sur la thèse de M. X, on trouve quelques allusions dans les deux livres que j'ai déjà cités, mais aucune vraie confirmation. Ce qui est par contre surprenant, c'est que plus de 50 ans après l'assassinat de l'amiral Darlan, les documents anglais sur cette affaire ne sont toujours pas consultables. Est-ce une preuve que les services anglais ont vraiment été les commanditaires, comme le prétend M. X? Un dernier point. En 1945, la chambre de révision de la cour d'appel d'Alger a annulé le jugement condamnant Fernand Bonnier de la Chapelle à la peine de mort. Les magistrats ont en effet estimé que le jeune homme, en assassinant l'amiral Darlan, avait agi dans l'intérêt de la libération de la France.